visée, peur lassée, le regard très sombre. Confiance modérée, cœur par la fée, va voir celle avec son nom. Ta haine c'est ma force, moi de fuck tu trompes. Si tu crois que ça m'encombre, allez charler, brailler, grâce à vous, sortirai de la pénombre. Posé dans le lave dans mon bunker, pour toi je cuisine cette tombe. Sans vous en plus, m'ignorer mon place dans leur top, tu l'entendras en écho. Certes, deux, trois biscuits pour le commencement avant le gros gâteau. Quand vous êtes perdu d'avance, trop d'avance, je vous invite tous à faire le grand saut. J'amènerai la tempête avant l'ouragan, changement d'ambiance noire sera le décor. Trouvez-les pour récupérer mon dieu et leur revenu et dépasser leur score. Je conquis, c'est ma toile pour rejoindre mon étoile, les radotes, je m'améliore. C'est ma lame que j'ai guise, c'est vos têtes que je vise, avec tout mon somme, je les perds fort. Seul sur ma planète, je fais pas un truc sale, plutôt pas net. Faut du pèse pour qu'on pêche, fais du lourd, toi du lèche, que des hommes, pas garçonnés. Des grands et des mauvais garçons, on a tous grandi dans les parfums. Pas de père que ma mère, pas d'amis, que des frères, moi ça me suffit de toute façon. T'es un ou pas, rien à foutre, j'attends toujours d'être le premier. T'es un ou pas, rien à foutre, j'attends toujours d'être le premier. Les fonds enfermés, on a la rage, moi et ceux qui sont à mes côtés. Les fonds enfermés, on a la rage, moi et ceux qui sont à mes côtés. Je suis avec mon gang, ma clique, ma team, mes reins, mes necks, mes necks, ma neck. Je suis avec mon gang, ma clique, ma team, mes reins, mes necks, mes reins, mes necks. Je suis avec mon gang, ma clique, ma team, mes reins, mes necks. My boys with me. Je suis avec mon gang, ma clique, ma team, mes reins, mes necks, mes reins, mes necks. De l'authentique, la fraîche, la presse, on vendu dans ces locaux. Je sens sur les chicots d'un lion noir, je te parle de mon futur logo. Méfie-toi de ces gens qui parlent peu, les plus calmes sont souvent les plus locaux. Regarde sur la PAC, ça fait que j'ai jamais les femmes et leur livre mytho. Je lèverai un pis sans index pour mes détracteurs, mes ennemis. Qu'ils comprennent que moi et ma clique, on est parti pour une décennie. Une tumeur à sourire, son noir, si mon cœur, les coups pas mon jersey. Les bâtons dans les roues, les barrières, les obstacles, rien ne m'arrête, j'ai plané. Fortel, nigga, j'en ai plus rien à foutre, man, nigga. France qui a vendre, France qui a pas trop. Bénéfice, nigga. On veut sortir de la merde comme caca, vendre des grosses sommes comme un gata. Faudra que je puisse tout ici, t'es l'invente, t'as l'histoire d'avoir plus qu'un peu de castal. À part tes punchlines de mes deux, dis-moi de quoi tu parles, mec. De quoi tu parles, mec. De la forme et zéro fond, c'est naze, mec. Bientôt sur tous les fronts, j'annonce que je vais les faire suer. Bientôt sur tous les fronts, j'annonce que je vais les faire suer. T'es un ou quoi, rien à foutre, j'attends toujours d'être le premier. T'es un ou quoi, rien à foutre, j'attends toujours d'être le premier. Les fonds enfermés, on a la rage, moi et ceux qui sont à mes côtés. Les fonds enfermés, on a la rage, moi et ceux qui sont à mes côtés. Je suis avec mon gang, ma clique, ma team, mes reins, mes necks. Je suis avec mon gang, ma clique, ma team, mes reins, mes necks. Mes reins, mes necks. Je suis avec mon gang, ma clique, ma team, mes reins, mes necks. My boys with me. Je suis avec mon gang, ma clique, ma team, mes reins, mes necks. Mes reins, mes necks. J'annonce que je vais les faire suer. Bientôt sur tous les fronts, j'annonce que je vais les faire suer. Friendish.